Les grandes espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. 12e épisode. Pip, enfant, a été contraint d'aider un forçat évadé. Un épisode de sa vie resté secret, jusqu'à la révélation soudaine que ce criminel endurci n'est autre que son mystérieux bienfaiteur. Rentré clandestinement en Angleterre, le terrifiant Magwitch a l'intention de partager la vie de son protégé. Pip quitte Londres en urgence pour s'entretenir avec Estella. Mais l'horrible Drummle l'a précédé et semble avoir les faveurs de la jeune fille. Drummle et moi étions seuls dans la salle à manger de l'auberge. Nous nous ignorâmes délibérément. Je fis mine de lire un vieux journal graisseux dont les nouvelles locales disparaissaient sous les taches de cornichons, de poissons, de sauces, de beurre fondu et de vin, lui donnant l'air d'avoir attrapé une forme de rougeole particulièrement irrégulière. Lui se tenait devant la cheminée et je décidai qu'il n'y avait pas de raison qu'il en profite seul. Vous me battez froid ? Ah, c'est vous, Drummle. Comment allez-vous ? Je me demandais qui pouvait bien monopoliser le feu. Vous venez d'arriver ? Oui. Quel trou infâme. Vous êtes d'ici, je crois. Oui. Je me suis laissé dire que votre Shropshire avait le même genre de paysage. Rien à voir. Vous êtes ici depuis longtemps ? Assez longtemps pour en être lassé. Comptez-vous rester longtemps ? Aucune idée. Et vous ? Aucune idée. Je compte faire une balade à cheval. On m'a parlé de villages perdus, d'étonnants estaminets, de forges, tout ça. Garçon ! Garçon ! Oui, monsieur. La jeune dame ne montera pas aujourd'hui. Il fait trop mauvais. Je dînerai chez elle. Très bien, monsieur. Votre petit déjeuner est servi, monsieur Pip. Merci. Monsieur Drummle, avec votre permission, je suggère que nous évitions tout rapport à l'avenir. Entièrement d'accord. Mais ne perdez pas votre sang-froid, en plus de tout ce que vous avez déjà perdu. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur ? Garçon ! Oui, monsieur ? Vous avez bien compris que la jeune dame ne monte pas aujourd'hui et que je dîne chez elle. Parfaitement, monsieur. Monsieur Pip, votre thé refroidit. Merci. Après m'être lavé du voyage et du mauvais temps, je partis vers la vieille maison dans laquelle, de sinistre mémoire, il aurait mieux valu que je ne pénètre jamais. Mademoiselle Avisham, installée près du feu, regardait Estella qui tricotait à ses pieds, assise sur un coussin. Quel est ce vent qui vous amène, Pip ? Je voulais voir Estella, et sachant qu'elle était ici... Asseyez-vous là, près de la coiffeuse. Je voulais lui parler devant vous. Vous ne serez pas fâché d'apprendre que je suis aussi malheureux que vous avez pu le souhaiter. J'ai découvert qui était mon bienfaiteur. Ce n'est pas une révélation heureuse et elle ne fera rien pour ma réputation, sans parler de ma situation et de ma fortune. Je ne peux vous en dire davantage, c'est un secret qui ne m'appartient pas. C'est un secret qui ne vous appartient pas. Et ? Quand vous m'avez fait venir ici pour la première fois, madame, c'était à la manière d'un domestique dont on loue les services pour satisfaire un besoin ou un caprice. N'importe quel autre gamin aurait fait l'affaire. Je ne me trompe pas. Non, Pip. Et monsieur Jaggers ? Monsieur Jaggers n'est pour rien. S'il est mon avocat, comme il est celui de votre bienfaiteur, c'est pure coïncidence. Une coïncidence peu surprenante, vu la taille de sa clientèle. Mais l'erreur qui fut la mienne, de penser que c'était vous qui étiez derrière ma bonne fortune, vous l'avez bien encouragée. Oui, je l'ai encouragée. Était-ce un acte généreux ? Mais qui suis-je au nom du ciel pour devoir être généreuse? Pardonnez-moi ce timide reproche qui m'a échappé. Très bien, continuons. En m'entretenant dans mon erreur, mademoiselle Havisham, votre intention était-elle de punir ou de mettre à l'épreuve la vénalité de vos proches parents? En effet, elles en sont les premiers responsables. Comme vous, Pip. Vous êtes tombé dans votre propre piège, je ne l'ai pas inventé. À Londres, je me suis retrouvé chez des membres de votre famille. Et ce serait une véritable bassesse de ne pas vous dire, que cela vous plaise ou non, que vous faites une grave erreur en jugeant que M. Matthew Pocket et son fils Herbert manquent en quoi que ce soit de générosité, de droiture et de sincérité. Je les sais incapables de calcul comme de petitesse. Vous voulez quelque chose pour eux? Que vous ne les confondiez pas avec les autres. Ils sont peut-être du même sang, mais pas de même nature, croyez-moi. Vous voulez quelque chose pour eux? Je ne suis pas assez rusé pour vous dissimuler qu'effectivement, je veux vous demander quelque chose pour eux. Pourriez-vous disposer d'un peu d'argent qui rendrait un immense service à mon ami Herbert et changerait radicalement sa vie? Je pourrais vous expliquer comment lui faire cette faveur sans qu'il l'apprenne. Pourquoi faut-il qu'il n'en sache rien? Parce que c'est quelque chose que j'ai entrepris moi-même depuis plus de 2 ans, sans qu'il n'en sache rien. Et je ne voudrais pas qu'il en soit informé. Je ne peux pas vous révéler la raison pour laquelle il m'est impossible de mener à bien cette affaire. Cela fait partie d'un secret qui ne m'appartient pas. Quoi d'autre? Estella, vous savez que je vous aime depuis longtemps et le plus tendrement du monde. Sans la longue erreur qui fut la mienne, je vous aurais parlé depuis longtemps. J'étais persuadé que mademoiselle Havisham nous destinait l'un à l'autre. J'ignore de quoi ma vie sera bientôt faite et pourtant je vous aime. Je vous ai aimé dès que je vous ai vu pour la première fois dans cette maison. On dirait bien qu'il existe des sentiments que je suis incapable d'appréhender. Quand vous dites que vous m'aimez, j'entends bien les mots, mais rien d'autre. Mon cœur n'est pas affecté. Je vous avais pourtant prévenu, n'est-ce pas? Oui. Oui, et vous ne vouliez pas me croire parce que vous n'y croyez pas. C'était contre nature, Estella. C'est ma nature. Celle dans laquelle on m'a formée. Je vous distingue entre tous les autres en vous le disant. Je ne peux pas faire plus. N'est-il pas vrai que Bentley Drummle est en ville et vous courtise? Tout à fait vrai. Que vous l'encouragez? Montez avec lui et qu'il dîne avec vous aujourd'hui même. C'est vrai. Vous n'iriez pas jusqu'à l'épouser? Si. Je vais l'épouser. Estella, si chère Estella, ne franchissez pas un pas aussi fatal. Mademoiselle Havisham vous livre à lui pour humilier et blesser le plus grand nombre possible d'hommes bien supérieurs à lui que vous avez séduits, dont certains vous aiment sincèrement. Choisissez-en un parmi ceux-là. Je pourrai plus facilement l'accepter. Pour votre bien. Je vais l'épouser. Les préparatifs ont commencé. Vous êtes injuste de mêler ma mère adoptive à cette décision que j'ai prise seule. La décision, Estella, de vous livrer entièrement à une brute? Et à qui d'autre? Devrais-je plutôt choisir un homme qui s'apercevrait plus rapidement que je n'ai rien à lui donner? Voilà. C'est fait. Je suis fatiguée de la vie que je mène et j'aime autant en changer. Ne dites plus rien. Nous ne nous comprendrons jamais. Mais une brute aussi épaisse, aussi abjecte. Oh, soyez rassurée, je ne serai pas un cadeau pour lui. Allez, voici ma main. Quittons-nous là-dessus, enfant rêveur ou homme de chimère. Vous m'aurez oublié dans une semaine. Oublié? Vous faites partie de mon existence comme de moi-même. Vous êtes dans chaque phrase que j'ai lue depuis ma première visite ici. Vous êtes dans chaque paysage que j'ai pu voir. Sur le fleuve, sur les voiles des bateaux, sur les marées, sur les nuages. Sur la lumière. Sur l'ombre, sur le vent, sur les arbres, sur la mer. Vous êtes l'incarnation de tout ce qu'il y a de gracieux dans mon imaginaire. Jusqu'à la dernière minute de ma vie, vous n'y pouvez rien, vous ferez partie de moi. Partie du meilleur comme du pire. Et aussi douloureux que soit mon désespoir présent, je suis persuadé que vous m'avez fait plus de bien que de mal. Cher Estella, Dieu vous bénisse. Dieu vous pardonne. Cette rhapsodie, comme une blessure interne gorgée de sang, avait jailli hors de moi, et je pris congé aussitôt après. J'ai le souvenir de la silhouette spectrale de Mademoiselle Havisham qu'on pourrait résumer par son regard qui mêlait pitié et remords. L'idée d'être à nouveau confronté à Drummle m'étant insupportable, je résolus de regagner Londres à pied. J'étais attendu le lendemain, mais j'avais ma clé. J'arrivais à notre grille, tout crotté et fatigué. Qui est là ? C'est Monsieur Pip. Ah, j'ai un billet pour vous, et le messager m'a bien dit de vous le faire lire sur le champ. Ne rentrez pas chez vous. Où est Mick ? Merci. Ne rentrez pas chez vous. Ces cinq mots s'incrustèrent dans mes pensées comme une douleur physique. Je trouvai un hôtel près de Covent Garden et je n'eus aucun mal à me lever très tôt. À 8 heures, j'apercevais le minuscule château fort de Wemmick. Je franchis le pont-levis. J'arrivais sans être annoncé devant Wemmick, qui préparait le thé. Bonjour, Monsieur Pip. Alors, vous êtes rentré ? Mais pas chez moi. J'ai laissé un billet à chaque grille d'entrée. J'y passerai tout à l'heure pour les récupérer et les détruire. C'est une bonne habitude d'éviter de laisser des traces écrites. Merci de votre prudence et de votre amitié. Asseyez-vous. Nous nous comprenons bien, vous et moi, n'est-ce pas ? Nous sommes en cet instant sur un terrain strictement personnel et privé. Cela va de soi. J'ai appris, par accident, hier matin, me trouvant dans un certain lieu où je vous ai emmené un jour, qu'une certaine personne, qui n'est pas sans lien avec les colonies et qui n'est pas sans posséder quelques biens portatifs, je ne sais au juste de qui il s'agit, nous ne nommerons pas cette personne. Ce n'est pas nécessaire. Qu'une certaine personne, donc, avait disparu de cette partie du monde sans laisser d'adresse. À partir de là, sont nées moult conjectures et moult théories. J'ai même entendu dire que vous et votre logement du temple aviez été sous surveillance et pourraient y être encore. La surveillance que vous évoquez, et que je soupçonnais par ailleurs, est inséparable de la personne à laquelle vous faisiez allusion, n'est-ce pas ? Je ne peux pas confirmer que c'était le cas dès le début. Mais le fait est que, soit ça l'est désormais, soit ça le sera, soit c'est en grand danger de l'être. J'aimerais vous poser une question, à laquelle vous pouvez répondre ou pas, selon ce qui vous semble juste. Vous pouvez aussi vous contenter d'un mouvement de tête. Avez-vous entendu parler d'un homme de mauvaise réputation, dont le vrai nom est Compeyson ? D'accord. Est-il vivant ? Bon. Est-il à Londres ? C'est entendu. Maintenant que l'interrogatoire est terminé, sachez que je suis allé chez vous, où vous n'étiez pas, puis chez Clarriker. Herbert y était ? Il y était. Sans mentionner aucun nom ni entrer dans les détails, je lui ai fait comprendre que si une certaine personne, Pierre, Paul ou Jacques, se trouvait chez vous ou dans les environs, il ferait bien d'éloigner Pierre, Paul ou Jacques au plus vite. Il a dû être bien embarrassé. D'autant plus embarrassé quand je lui ai précisé que Pierre, Paul ou Jacques auraient intérêt à s'éloigner, mais pas trop. Qu'a fait Herbert ? Après être resté abasourdi une bonne demi-heure, il a conçu un plan. Il m'a appris, sous le sceau du secret, qu'il courtisait une jeune femme dont le père, comme vous devez le savoir, est alité. Ayant travaillé dans la marine marchande, le dit papa a installé son lit près de la baie vitrée, d'où il peut voir les bateaux remonter et descendre le fleuve. La maison à la baie vitrée se trouve au bord du fleuve, près du barrage, et la respectable propriétaire a un étage meublé à louer. Monsieur Herbert m'a demandé si ce serait une bonne idée, pour Pierre, Paul ou Jacques, d'y loger provisoirement. J'en pensais le plus grand bien pour les trois raisons que voici. Premièrement, cet endroit est hors de vos itinéraires habituels et assez isolé. Deuxièmement, Vous n'aurez pas besoin de vous y rendre pour avoir des nouvelles de Pierre, Paul ou Jacques, Monsieur Herbert pouvant servir d'intermédiaire. Troisièmement, quand la situation sera favorable, si l'envie vous prenait de faire monter Pierre, Paul ou Jacques sur un paquebot étranger, il n'aurait plus qu'un pas à faire. Monsieur Wemmick, je ne vous remercierai jamais assez. Veuillez continuer votre récit. Eh bien, Monsieur Herbert s'est démené comme un beau diable et à 9h hier soir, il déménageait Pierre, Paul ou Jacques. L'avantage est que tout a eu lieu en votre absence, quand vous étiez supposé être à des kilomètres de là. Voilà, Monsieur Pip. Je crois avoir fait tout ce qu'il était en mon pouvoir de faire. Mais s'il y avait besoin, je serais heureux de vous rendre un nouveau service. Tenez, j'ai noté l'adresse. Il n'y a aucun risque à y aller ce soir avant de rentrer chez vous pour vérifier que Pierre, Paul ou Jacques va bien. C'est une raison de plus de n'être pas rentré chez vous hier soir. Mais une fois que vous serez rentré chez vous, ne retournez plus à cette adresse. Monsieur Wemmick. Non, ne me remerciez pas. Profitez de cette soirée pour mettre la main sur les biens portatifs de Pierre, Paul ou Jacques. On ne sait pas ce qui pourrait lui arriver. Restez ici jusqu'à la nuit, je vous le conseille. Vous avez l'air inquiet. Une journée bien tranquille avec le parent âgé ne peut vous faire que du bien. Bonne journée. Nous passâmes la journée, le parent âgé et moi-même, à nous assoupir régulièrement devant la cheminée. Nous dînâmes d'une longe de porc et de légumes du jardin. Heures avaient sonné avant que je me retrouve dans une atmosphère sentant bon le copeau et la sciure de bois. Je ne connaissais pas cette zone riveraine des bassins inférieurs et supérieurs en aval du pont. Je me perdis au milieu des navires en cale sèche, des carcasses de bateaux en cours de démolition, des ancres rouillées mordant la vase et la boue et des détritus laissés par la marée. Je traversais les chantiers par des chemins de cordier dont aucun n'était le bon jusqu'à ce que, enfin, je me trouve sur celui du vieux cuivre vert dont la perspective de cadre fiché en terre évoquait des râteaux de faneurs qui auraient perdu la plupart de leurs dents avec l'âge. À la lumière de la lune, je repérais une maison à façade de bois avec 3 étages de fenêtres en saillie. Sur la plaque clouée à la porte, je lus Madame Wimple, le nom que je cherchais. Je frappai et retrouvai enfin Herbert. Tout va bien, Belle. Il est satisfait et impatient de te voir. Ma chère Clara est avec son père. Ça, c'est son père. J'ai bien peur que ce soit une vieille ganaille, mais je l'ai jamais vue. Tu sens cette odeur de rhum? Il n'arrête pas. De boire du rhum? Oui. Et tu peux imaginer comme c'est bon pour sa goutte. Provis est une bénédiction pour Madame Wimple, car la majorité des gens ne supportent pas ce vacarme. Drôle d'endroit ici, non? Curieux endroit, mais remarquablement propre et bien tenu. Madame Wimple est une excellente ménagère, et je ne sais pas comment Clara s'en sortirait sans son soutien maternel. Car Clara n'a pas de mère, Handel. Et le vieux Grincher Gris est son seul parent. Tu ne vas pas me faire croire que c'est son vrai nom? Non, c'est moi qui l'appelle comme ça. Son vrai nom est Monsieur Barlet. Mais avoue que le fils de mon père et de ma mère a une sacrée chance d'aimer une fille sans famille dont se soucier et soucier les autres. Heureusement, nous avons notre bonne fée protectrice, Madame Wimple, car comme tu peux l'imaginer, le vieux Barlet n'est pas prêt de s'intéresser à autre chose que sa goutte, le rhum et les provisions. Ah là là, tu entends ce vieux requin? Montons chez Provis. Depuis les 2 pièces fraîches et aérées où était installé Provis, on entendait moins les grognements de l'invisible Barlet. Oui. Provis n'avait pas l'air inquiet du tout. J'éprouvais en le retrouvant une impression indéfinissable qu'il s'était adouci. Je n'aurais pas su dire comment ni pourquoi, mais j'étais certain de ne pas me tromper. J'avais décidé de ne pas mentionner Compeyson de peur d'attiser sa haine et de le lancer à la poursuite de son ennemi pour y trouver sa propre perte. D'une manière générale, Provis, Est-ce que vous avez confiance dans le jugement de Wemmick et dans ses sources d'informations? Ah, sûr que oui. Jaggers sait ce qu'il fait. À Newgate, Wemmick a entendu des rumeurs vous concernant. Et il pense que notre appartement est surveillé. Il vous recommande de rester caché et à moi de rester pour l'instant à l'écart. Il vous conseille une fuite à l'étranger, dans laquelle, bien sûr, je vous accompagnerai. Je m'en remets entièrement à toi, mon cher garçon. Tes décisions seront les miennes. Revenir te trouver, l'aventure était hasardeuse, mais pas désespérée. Soutenu comme je le suis, je ne me sens pas en danger. En t'écoutant, Endel, une idée m'est venue. Nous sommes deux bons rameurs, et on pourrait embarquer Provis sur le fleuve le moment venu, sans avoir à louer ni canot ni batelier. Ce qui éviterait de possibles soupçons. Tu pourrais dès maintenant acquérir un bateau que tu amarrerais en bas des marches du temple, et très régulièrement monter et descendre le fleuve. Qu'en penses-tu? Fais-le 20 ou 50 fois, et la 21e ou la 51e fois, personne n'y verra rien d'extraordinaire. Non, magnifique! Ils y verront du feu. Excellente idée, Herbert. Nous ferons cela ensemble, évidemment. Je me dis qu'on pourra passer régulièrement à proximité de la maison, l'air de rien, sans jamais nous manifester, ni vous, Provis, bien sûr. Simplement, en nous voyant, vous n'aurez qu'à baisser le store de la fenêtre donnant sur le fleuve pour nous assurer que tout va bien. J'ai pigé, mon garçon. Je dois partir. Je regrette de vous laisser, mais vous êtes plus en sécurité ici que chez moi. Et Herbert fera le messager entre nous. Je vais partir maintenant, Herbert. Toi, attends une bonne demi-heure pour me rejoindre. Entendu. Adieu, Provis. Soyez prudent. Je n'aime pas adieu. Dis-moi plutôt bonsoir. Quand le moment viendra, soyez sûr que je serai prêt. Bonsoir. Bonsoir. Je t'accompagne en bas. Tu dois savoir qu'ici, Provis s'appelle Monsieur Campbell, qu'il est à ma charge et qu'il a besoin de mener une vie retirée. Décidément, tu as pensé à tout. Je n'aurai pas assez d'une vie pour te remercier. Je repartis, et le chemin du vieux cuivre vert me fit un effet très différent. Le vieux Barlet avait beau avoir l'âge des rebuts abandonnés et jurés comme un régiment entier, le bassin, lui, était rempli à déborder de jeunesse, de confiance et d'espoir. Puis je me mis à penser à Estella et rentrai chez moi très tristement. Arrivé dans mon quartier, je m'assurai de n'être pas suivi. Le lendemain, j'achetai un bateau. C'était « Les grandes espérances » de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. 12e épisode. Avec Jacques Gamblin, Samuel Charles, Dominique Raymond, Mélissa Barbeau, Brice Hilleré, Philippe Bautier, Marc Barbet, Maxime Dambrun, Claude Bernard Perrault, Zachary Lebourg, Lorenzo Lefebvre. Et les voix de Martin Van Ecout, Alexis Ménard, Michel Baladi, Valérie Moinet. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Création sonore, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Nior, Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Juliette Eman. Vous retrouverez le générique complet sur le site franceculture.fr.